Charles Maurice de Talleyrand, Périgord, évêque d'Autun, spécialiste en confiteor. Je fais ici serment de respecter la constitution civile du clergé. Mes bien chers frères, je vous invite très ardemment à faire de même, à venir prêter serment pour apporter à l'Église de France notre soutien et l'appui de notre confiance.